Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, une autre grosse émission pour Puissance Maximale cette semaine. Et de tout d'abord, avant de commencer tout ça, je vais vous présenter Monsieur Andrew Castegan, mon metteur en ondes et technicien qui est toujours à l'affût. Comment ça va, Andrew? Ça va bien, ça va bien. Encore en train d'arranger des volumes parce qu'on passe d'une console à une autre. C'est des défis quotidiens. Ben oui, ben c'est ça. Défi technique, mais on s'en sort toujours très bien. Puis disons qu'à Puissance Maximale, on a de l'expérience dans ce domaine. Et là, cette semaine, grosse émission encore Andrew, parce qu'on vous rappelle, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne savaient pas encore, qu'on est maintenant en format 2 heures à Puissance Maximale, à CJMD. Et là, grosse émission parce qu'on va recevoir tantôt M. Daniel Marcoux avec son projet Hero Cards qui va nous parler de ça. On va vous passer une entrevue qu'on a faite avec les gens de 9.Dot Studio. Qui vont nous parler de leur jeu God. Juste me rappeler le nom du jeu. God Factory. God Factory. Wingman. Voilà, qui a Kickstarter. C'est bien sûr qu'on ne s'en rappelle pas. Parce qu'en fait, on s'était trompé dans le nom qu'on est allé sur place. Et vous allez entendre l'erreur pendant l'entrevue d'Andrew. Mais il n'y a qu'un Kickstarter. Allez voir ça. On va vous mettre ça sur Facebook au courant de l'émission pour que vous puissiez aller constater par vous-même c'est quel genre de jeu et pour que vous puissiez aller faire un petit don à cette belle gang-là. On va également vous parler de GTA V. On vous en a parlé rapidement la semaine passée avec Andrew pour nos premières appréhensions. Mais Andrew, il a joué plus cette semaine. C'est qu'il va pouvoir nous faire une critique plus approfondie. Et de mon côté, je vais vous parler du Samsung S4. Un cellulaire qui est sorti depuis quand même un petit bout. Mais quand même, je trouvais important de vous en parler. Parce que c'est quand même dans les meilleurs téléphones sur le marché présentement. Et avec les annonces justement des iPhones et tout, ben faut quand même faire des petites comparaisons pour voir un peu qu'est-ce qui est le meilleur, si vous préférez Android ou Apple, là, ce sera à vérifier avec cette critique-là. Et bien évidemment, on va vous parler de nouvelles ludiques. Et tout ça pour vous rappeler que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet, le www.puissancemaximale.com pour aller écouter nos anciennes émissions. D'ailleurs, on s'excuse, là, la dernière émission ne pourra pas être mise sur le site, problème de podcast, mais là, ça devrait être correct. Cette semaine, selon M. Castegan, donc on devrait pouvoir vous mettre ça dès ce soir sur Internet. Sinon, vous allez sur Facebook, vous tapez Puissance Maximale, vous allez appuyer sur le bouton « J'aime » parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, mais aussi parce que grâce à ça, vous avez les nouvelles fraîches de l'émission, surtout pour tout ce qui est mise en ligne et tout. Et en même temps, ben là, on est un peu plus actifs sur Facebook, je dirais. Là, on met plus d'articles qu'on voit sur Internet. Ça se passe beaucoup sur le Facebook, en fait, ce qui se passe avec Puissance Maximale. Donc, allez appuyer « J'aime », puis en même temps, propager la bonne nouvelle en partageant la page et l'émission là, auprès de vos amis geeks qui aimeraient entendre l'émission. Ben, gênez-vous surtout pas. Un jour, on va avoir réussi à relier à nouveau notre Facebook avec notre Twitter, là. Chose qui, quand je lis sur Internet, je vois est impossible, mais qui a déjà marché dans notre cas. Donc, chose étrange. Effectivement, ça marchait très bien d'ailleurs. Donc, voilà. Et là, M. Castegan, vous allez me trouver drôle parce qu'habituellement, j'ai pas eu le temps avant l'émission de me connecter sur mon compte Google pour aller chercher ma liste de chansons. Donc, vous serez l'heureux annonceur de la chanson que nous allons entendre en premier. Le thème de Capitaine Flamme, Jean-Jacques Debout. Oui, parce que moi, ben, et Andrew aussi, on aime beaucoup passer des vieux thèmes rétro série d'enfance à puissance maximale. Puis là, Capitaine Flamme, là, c'est même plus vieux que moi. Donc, ceux d'entre vous qui ont plus de 30 ans et même plus encore, là, et vous allez apprécier beaucoup. Et pour les plus jeunes aussi, vous allez voir c'est quoi un vrai thème d'émission. Là, quand on parle d'épique, là, vous allez entendre c'est quoi. Et donc, on vous envoie la chanson de Capitaine Flamme sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis à puissance maximale. CJMD 96.9, la radio qui s'implique dans sa communauté. CJMD FM, la radio qui s'implique dans sa communauté. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Et je suis Andrew Kassegan de Puissance Maximale en direct du Warzone 6 avec un autre studio indépendant. Je suis avec Guillaume qui est président de Nine Dots Studio, un studio qui fait un jeu du nom de Code Factory qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux, qui a eu un Kickstarter dernièrement. On va parler avec cette personne-là pour qu'il nous donne plus de détails. Bonjour Guillaume! Bonjour! Premièrement, Code Factory, c'est quoi? Code Factory, c'est un simulateur de combat spatial compétitif en ligne. Se joue 4 contre 4 et dans ce jeu-là, tu bâtis tes vaisseaux pièce par pièce. Donc, tu assembles en choisissant différents cockpits, des ailes, des bodies, des armes, des ordinateurs. Puis c'est vraiment ça qui compose tes vaisseaux que tu amènes au combat. Parfait. Puis en plus, j'ai remarqué qu'il y avait, il semblait avoir 4 races actuellement dans la version jouable qu'on avait ici au Warzone. On avait les humains, on avait un genre de vaisseau lié avec des liens d'énergie, un autre qui semblait être un gros char d'assaut, puis un autre qui semblait un genre d'ange mecha un peu. Donc, je présume que c'est 4 races qui ont un gameplay bien particulier, avec chacun leur particularité au niveau des pièces et de la jouabilité, dans le fond. Oui, c'est exact. Les espèces dans l'univers de God Factory sont faites pour être un peu aux antipodes de ce qui est populaire dans les séries de science-fiction habituelles. On n'a pas, genre, des humains à écailles ou des humains à oreilles pointues. C'est vraiment des espèces très, très différentes. Il n'y a aucun autre humanoïde. Les Guantries sont ceux qui sont des espèces de vaisseaux énergétiques. En fait, c'est des espèces de quadrupèdes à 3 têtes. Et ça veut dire qu'ils ont besoin d'atteindre un consensus pour pouvoir prendre des décisions. Mais ça se reflète dans leurs vaisseaux qui sont faits pour être très balancés et capables de changer d'un mode à l'autre très rapidement. Alors que les Chorians, qui sont les énormes créatures de 20 mètres de haut qui ont l'air de ces espèces d'anges mécaniques-là, ben eux autres, c'est une race qui est extrêmement, extrêmement résiliente, puis leur vaisseau accentue ces particularités-là de leur espèce. Donc, chaque chose est faite pour vraiment... chaque vaisseau est fait pour correspondre à son espèce, vraiment refléter comment ils pensent, comment ils sont culturellement. Et dans le trailer, et même quand on a joué, on a remarqué que les vaisseaux, comme tu disais, sont très, très, très personnalisables. Dans le fond, on peut vraiment monter un vaisseau du châssis du vaisseau jusqu'aux ailes, jusqu'à l'armement et à tout, dans le fond. Est-ce que ça va être un jeu où vraiment les pièces, on va les gagner à force de jouer, d'être performant dans le jeu, où il va y avoir un système où on peut acheter de l'argent pour acheter des pièces de vaisseau? Est-ce que c'est vraiment à sueur d'hommes et de joueurs qu'on va gagner les pièces de jeu, ou il va y avoir un principe de pour amener plus d'argent, on peut acheter des pièces? Le jeu va être aucunement pay-to-win. Puis c'est pour ça qu'on voulait pas faire un free-to-play. Quand tu achètes le jeu, c'est 20$, puis ensemble, tu vas avoir accès à un ensemble de 1184 pièces différentes. Donc déjà au départ, tu as accès à énormément de contenu. Puis pour les débloquer, ben normalement, en temps de 40 heures, tu vas pouvoir te rendre au moins au sommet de un des arbres de développement. Et il va avoir aucune façon d'acheter un accélérateur pour débloquer ces pièces-là. Donc il va falloir développer une expertise. Ceci étant dit, on veut acheter du contenu additionnel, on veut pouvoir supporter le jeu à long terme, donc on va rajouter de la variété, mais pas rajouter de la puissance. Et au niveau du jeu, présentement, comme je disais, il y a eu un Kickstarter qui, malheureusement, n'a pas atteint son objectif dans le passé. On avait parlé que, possiblement, vous voudriez retenter l'expérience prochainement avec l'arrivée au Canada de Kickstarter. Oui. En tant que tel, le jeu, présentement, au niveau du déploiement, est-ce qu'on parle de déploiement sur PC, Macintosh, Linux, ou on parle uniquement PC ou console? C'est quoi les environnements de distribution que vous avez en tête? On a déjà annoncé qu'on voulait le porter sur Mac et sur Linux, mais probablement pas en même temps que sur PC. On a aussi l'intention de regarder les possibilités pour les consoles, mais ça va être un petit peu plus difficile, c'est certain. Puis, on n'a pas vraiment quelque chose à annoncer de ce niveau-là, mais il y a vraiment une intention forte, à commencer par le fait que moi, personnellement, je suis un joueur console d'abord et avant tout, et j'aime pouvoir me considérer comme étant un consommateur typique de l'entreprise pour laquelle je travaille. Et sinon, en tant que tel, au niveau des réalisations de Nine Dots, est-ce que COD, c'est votre premier jeu que vous avez fait, ou vous en avez fait d'autres aussi dans le passé? Est-ce que vous avez d'autres projets, ou c'est vraiment uniquement toute l'attention de Nine Dots est axée sur COD? Bon, on a terminé un premier projet qui s'appelle Brand. C'était un projet pilote. Et le but de ça, c'était vraiment de passer à travers la production d'un jeu. Donc, il était un petit peu contenu dans nos ambitions, parce qu'on avait besoin de juste au moins savoir dans quoi on se lance pour pouvoir mieux juger nos capacités puis faire quelque chose de plus ambitieux. C'est quelque chose de plus ambitieux, c'est God Factory en ce moment. Donc, je dirais le premier titre qui sera vraiment à la hauteur de nos capacités, ça va être ce jeu-là. En ce moment, on est à 100% dans God Factory, mais on aimerait bien faire un petit retour en arrière avec notre premier jeu puis juste faire une petite remise à neuf avec nos nouvelles compétences qu'on a développées. Parfait. Sinon, au niveau de la date de sortie, est-ce que vous avez une idée approximative à partir de quand on va voir God de disponible, jouable et achetable sur Internet? Pour le moment, c'est pas certain à 100%, mais on voudrait rendre le jeu accessible à tout le monde pendant notre campagne Kickstarter. Donc déjà là, les gens vont pouvoir mettre la main dessus. À la fin du Kickstarter, on va commencer à vendre le jeu en alpha funding, un peu comme Minecraft l'a fait. Donc, on sait que le jeu est pas terminé, puis les joueurs qui vont nous supporter, qui vont contribuer, vont savoir aussi dans quoi ils s'embarquent. Il va y avoir des bugs, il va y avoir des features qui vont manquer, mais il est déjà jouable, il est déjà le fun. Le jeu de Warp Zone, il trippe déjà. On était à PAX, il y a déjà 6 mois, je pense, puis il trippait déjà. Donc, j'ai vraiment confiance dans le produit déjà en ce moment. Il n'a juste pas encore atteint tout ce qu'on aimerait qu'il puisse atteindre en termes de nombre de fonctionnalités et de grandeur. Ben merci Guillaume pour cet aperçu de God et ta vision au niveau de Nine Dots. On souhaite d'autres projets. Un succès pour votre campagne Kickstarter si vous la recommencez. C'est sûr que nous autres, Puissance Maximum, on a vraiment apprécié l'expérience de jeu. On espère avoir l'occasion de tester le produit fini pour donner notre impression. Ma date, pouce en l'air, aucun problème. Je vous souhaite un bon succès. Merci beaucoup, ça m'a fait un grand plaisir. CJMD 96.9 FM. One for the ladies. Rape me. Rape me, my friend. Come on, rape me. Rape taste me. Taste me, my friend. I'm not the only one. No, no, no, no, no, no. I'm not the only one. My favorite inside source. I'll kiss your open source. Thank you. Appreciate your concern. You always stink and burn. Rape me. CJMD 96.9. Branché sur Lévis. Le 96.9.com. This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, de retour à Puissance Maximale après, après d'excellentes chansons, en fait, le thème de Capitaine Flamme et aussi Rape Me, version Richard Cheese. Vous connaissez en fait la chanson originale qui est de Nirvana. Et pour ceux qui ne connaissent pas Richard Cheese, comme vous avez pu l'entendre, ben c'est un gars qui prend des succès de la musique populaire et transforme ça en version crooner. On l'aime bien, la puissance maximale, Richard Cheese. Hein, Drew? Oui. C'est vrai. Et mesdames et messieurs, après l'entrevue qu'on a entendue, qu'on a fait sur place à Warp Zone 6 avec la gang, en fait, un représentant de Nine Dots Studio. D'ailleurs, Andrew a posté sur Facebook le lien du Kickstarter, je crois. Alors, vous pouvez aller cliquer pour aller donner. J'aime bien ton hésitation, comme si je n'étais pas performant. Non, mais je n'avais pas regardé pendant que je parlais avec notre invité. J'ai pas écrit un roman. J'ai écrit « Encourager l'équipe de Nine Dot Studio ». J'ai mis le lien, that's all. En plus, on vient d'entendre une entrevue. C'est tout ce que ça prenait, Andrew. Ben, c'est ça. Pas de flafla. T'es comme Hero Cards. Je vais mettre le lien, écrire « Encourager une entreprise de chez nous », mais je ne remettrai pas un roman. Tu vas t'occuper de ça, toi, ce roman-là. Monsieur Marcoux, qu'on a rencontré aussi au Warp Zone, d'ailleurs, avant de commencer l'entrevue avec Monsieur Marcoux, on vous rappelle qu'il y a une vidéo auquel on a participé pour le Warp Zone 6, qui est maintenant sur les internets. Et vous pouvez aller sur le Puissance Maximale là, dans Facebook, vous allez trouver ça. J'ai posté ça hier avec ma bouille de gentil monsieur qui interviewe plein de monde qui était là-bas. Et on va poster ça ce soir sur le site internet directement de Puissance Maximale. Et maintenant que tout ça est dit... Oh. En fait, c'était tellement excellent là, qu'il y a même... des reporters connus dans la communauté gay qui te traitent de voleur de job. Ouais, et on le nommera pas, Luduc. Et voilà, c'est dit. Voilà. Fallait que je fasse une parenthèse, je l'ai trouvé trop bonne. Ouais, mais à cause de ça, on va organiser un sit-down avec ce gars-là pour régler ça. Voilà, donc après cette poutine à l'interne et autres annonces, nous allons passer à notre invité, M. Daniel Marcoux. Salut! Bonjour Daniel, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Numéro 1. Et là, Daniel, on te reçoit ici, en plus d'être sympathique. Ben, merci. C'est parce que tu as un projet, en fait. Un projet qui s'appelle Heroes Cards. Oui, monsieur. Écoute, on va commencer par expliquer c'est quoi Heroes Cards. Explique-nous ça. Je t'explique ça. C'est très simple. Heroes Cards, c'est les cartes d'anniversaire. Pour l'instant, je l'ai juste pour les garçons, là, mais c'est pour les enfants. C'est les cartes d'anniversaire qui viennent avec un jeu vidéo personnalisé pour l'enfant. Un jeu vidéo en ligne. Donc, ça, c'est bien simple. Les gens, pour se procurer des Heroes Cards, peuvent aller soit en magasin, mais ils peuvent aller aussi en ligne directement sur mon site, remplissent un petit formulaire. Moi, j'imprime la carte, puis je personnalise le jeu. Je les envoie, je mets le lien vers le jeu dans la carte, puis je les envoie ça par la main. Donc, c'est vraiment ça, un nouveau carte d'anniversaire, vraiment un nouveau genre. C'est ça, pour les petits garçons. Là, j'espère avoir des jeux pour les filles aussi, là, parce que tout le monde m'en demande. Là, tu fais-tu des jeux pour les filles? Là? Non, parce que faire des jeux, ça prend un peu de temps. Mais en fait, le concept du jeu, c'est un canevas que tu as, c'est un modèle que tu vas modifier. Oui, c'est ça. Moi, okay. À chaque fois, pour l'instant, parce que je veux, avec l'argent que je veux ramasser pour la ruche, je veux automatiser toute la création de jeux. Parce que moi, à chaque fois que j'ai une commande, je rouvre mon logiciel, change le nom, change la photo, change les textes que les gens m'ont envoyés. Fais tout ça, on recompile ça, mets ça sur, dans les internets, et puis hop là, c'est parti. Puis là, dans les projets, parce que là, c'est quelque chose qui démarre ou ça fait longtemps que tu es en business avec ça? Ben, en opération, vraiment, que les gens peuvent en acheter, ça fait depuis le mois d'avril cette année. Ah, OK. Sauf que je gosse un peu sur le projet depuis plus longtemps que ça, là, peut-être un an et demi, deux ans. Là. Donc, parce que tranquillement, pas vite, là, je travaillais sur le jeu, puis les cartes, tout ça, le système. Donc, c'est à peu près le mois d'avril que je suis en opération, si on veut dire. Et là, justement, pour te donner un petit coup de pouce au niveau du jeu, tu as parti un projet sur le site La Ruche. On explique un peu La Ruche. C'est une version canadienne-française, ben, on pourrait dire. C'est vraiment cette initiative plus au niveau de la région de Chaudière-Appalaches. Okay. Ben, pas Chaudière-Appalaches, mais la région de Québec. Là, Québec et les environs, plus Chaudière-Appalaches. Là, la capitale nationale, si on veut. On parle de financement par le public, donc de crowdfunding. Si ouais, on, financement participatif. Ouais. Ah, j'aime ça, moi. J'aime c'est ça, cette... la traduction. Qui... Ah, j'aime ça, moi. Financement participatif, j'aime cette traduction. Ça fait que c'est un site, finalement, qui fait penser justement à Kickstarter aux États-Unis et maintenant au Canada, et à Indiegogo également. La Ruche, je suis là, Andrew, bien évidemment, à moins que ce soit déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Le lien est sur la page Facebook de Puissance Maximale. Ouais. Allez-y, allez voir la vidéo. Et, on m'a dit qu'il était excellent. Donc, je n'en doute aucunement. Donc, vous avez une vidéo sur la page de Puissance Maximale qui va vous expliquer ça. Puis là, dans les projets, écoute, je me demandais ça comme question. Est-ce que dans les futurs projets pour les jeux qui vont être personnalisés, j'imagine que dans ta tête, tu vas avoir plusieurs jeux. Tu ne vas pas en avoir juste un. Ben, c'est ça. C'est sûr que moi, dans la vision à long terme, je vais avoir plusieurs jeux. Puis j'aimerais aussi avoir, si on veut, j'aimerais ça qu'Heroes Card devienne comme un portail de jeux. Un peu parce que quand tu achètes une Heroes Card, les gens peuvent aller sur mon site en ce moment puis jouer au jeu qu'il y a là. OK, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il n'est pas personnalisé pour eux. C'est qu'ils vont voir mes gars ou mon gars, mon plus grand, avec ma face, puis c'est moi qui ai mis les messages. Fait que ce que j'aimerais, c'est que ça devienne un portail où ce que les gens qui achètent Heroes Card peuvent aller jouer, puis là, ils ont des fonctionnalités de plus. Genre, exemple, des leaderboards avec parents-enfants, ou bien des fonctions que ça envoie des challenges automatiquement à la minute que le kid a battu le score de son père. Tout des trucs pour, si tu veux, aider à créer un lien entre le parent et l'enfant, parce que bon... De jouer ensemble. Oui, c'est ça, jouer ensemble. Ben, tu sais, on commence, c'est bon, le gaming, les jeux vidéo ont 40 ans, un petit peu plus. Bon, moi, je suis né avec cette génération-là. Puis, tu sais, il y a plein d'enfants maintenant qui jouent, puis que leurs pères n'ont pas toujours, tu sais, des gars comme moi qui travaillent, tu sais, ils n'ont pas tout le temps de jouer ou s'occuper de jeux vidéo. Ils jouent peut-être dans le temps, là, ils jouent moins. Fait que, avec ça, j'essaie de donner peut-être un point commun, une base que les kids vont pouvoir, puis les parents vont pouvoir jouer ensemble puis se rapprocher un petit peu, tu sais. C'est sûr que quand l'enfant va vouloir jouer, ce sera pas nécessairement tout seul dans son salon, mais ça sera accompagné de son parent aussi. Ben, pis... il peut jouer tout seul, c'est juste que, tu sais, ça va le faire un point commun. « Hey, t'as-tu battu mon score? » Il va cette possibilité-là, ouais. Tu sais, juste quelque chose pour échanger. Puis, tu sais, je prétends pas créer des jeux qui vont bouffer des heures et des heures de temps, tu sais, des 500 heures de jeu. C'est pour les parents qui ont pas vraiment le temps. C'est des jeux vraiment old school, basés sur type d'arcade. T'sais. Tu passes la fin en une vingtaine de minutes. Le jeu que j'ai là, tu peux passer la fin en une vingtaine de minutes, mais tu peux continuer à jouer dans le mode infini. Puis là, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est injouable puis tu pètes. Mais au moins, tu peux battre le score de ton kid ou essayer d'aller plus loin. Fait que c'est vraiment pour... c'est un peu de là que l'idée m'est venue. Là, parce que c'est ça, c'est que les enfants, bon, moi j'ai deux petits garçons de 6 et 10 ans, puis salut les gars, je suis sûr qu'ils écoutent. On les salue d'ailleurs, parce que j'imagine que ça devait être un peu, ils ont dû t'aider au niveau de la création. J'ai mes testeurs, puis là, j'ai tout le temps. C'est ça, t'as une équipe de testeurs. Ouais, eux autres, puis je suis sûr que ça leur fait plaisir. Ouais, ça leur fait plaisir, puis là, ils ont tout le temps une nouvelle idée. Père, tu devrais faire tel jeu, là le dernier, Nathan, il y avait là, OK. Là, je fais, c'est Karateka versus Alien. Pas les bébés aliens, mais des aliens d'espace. Là. Fait que c'était. Non, je manque pas d'inspiration à ce côté-là, mais c'est ça, c'est qu'eux, en tant que père, quand tu reçois la fabuleuse mission ou le quest, va acheter une carte de fête. Oh, c'est ça. Tu arrives dans une pharmacie, puis là, tous tes kids qui trippent, c'est les ninjas, les robots, les dragons, les chevaliers, c'est toutes les affaires que les petits gars trippent. Tu arrives dans une pharmacie, puis là, tu vois le choix de carte qui est comme des petits nounours avec des beaux petits yeux. Là, tu fais comme... fait que c'est un peu de là qu'est venue l'idée. Donc, l'industrie de la carte de souhait a de la misère à se renouveler. Ben, je sais pas si on a de la misère à se renouveler. Je sais que c'est une industrie qui est assez stable, un peu en déclin avec tous les médias sociaux et tout ça. Mais c'est plus que pour, en tout cas, les petits garçons, la strate de 6-12, là, c'est un peu... ils commencent à avoir des... ils vont chercher des licences, des cartes de Star Wars ou de super-héros. Mais c'est pas dans toutes les pharmacies. Puis aussi, ben, tu sais, il n'y a pas de jeu vidéo qui vient avec. Non, c'est sûr. Puis il n'est pas personnalisé non plus. Mais là, ma question, en fait, d'où t'es venue l'idée de faire... Là, moi, je veux avoir un jeu... Je veux offrir un jeu personnalisé avec une carte de fête. Ça d'où vient d'où ce flash-là? Parce que je trouve que vraiment que le concept est excellent. Je peux pas te pointer un moment précis où ça fait... T'as pas eu une épiphanie à un moment donné? Non, je ne me suis pas mis à lever, à planer dans les airs. Il n'y a pas le dieu du jeu vidéo qui t'a dit « Une carte de fête, tu créeras. » Non, aucunement. Non, mais c'est parce que, bon, moi, je travaille dans l'industrie depuis une quinzaine d'années. OK. À Québec. Puis, bon, j'ai travaillé pour Binox, Frima, le défunt Yumagate, qu'on salue, tous les jeunes Yumagate qui nous écoutent. Puis, c'est ça. Quand j'ai vu la problématique qu'il n'y avait pas de carte, j'ai eu le flash. T'sais. Moi, j'aime ça faire des jeux, tu sais. Le soir, tout ça. Puis là, je dis, on pourrait mixer les deux. Puis, bon, de fil en aiguille, tu sais, bon, tu as le flash comme ça, mais là, tu dis, il y a sûrement quelqu'un qui a pensé quelque part. Ben oui. Là, tu checkes sur Internet, tu parcours les interwebs de long en large, puis tu te rends compte qu'il n'y a personne. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais le faire. Pourquoi pas saisir la chance? C'est une bonne niche, c'est ça. Fait que, non, c'est un peu vraiment, c'est vraiment en voyant mes enfants réagir au niveau, parce que, bon, le jour où ça serait les fêtes d'enfants, vous remarquez, les cartes prennent le bord assez vite. Puis souvent, bon, les parents prennent le temps d'écrire de quoi, de songer, ou tu sais, à l'intérieur de la carte, puis ben, les enfants ne la regardent presque pas. Fait que quand tu le mets dans le jeu vidéo, chance de plus qu'ils le voient. Tu sais. Oui, j'avoue qu'avec... Parce que les textes, là, c'est... Les textes sont complètement personnalisables. Oui, c'est ça. Dans le jeu que j'ai là, il y a un texte pour... un texte d'intro, si on veut, du parent, puis un texte de félicitations, si tu veux, quand l'enfant finit le jeu. Moi, j'offre... Bon, en ce moment, j'offre pas de texte préfète, mais la prochaine version du site qui s'en vient va déjà avoir des textes préfètes que les gens vont juste pouvoir changer. Mais sinon, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent totalement. Ah, puis, ça, c'est le fun. Moi, j'intègre ça dans le jeu. C'est ça, parce qu'on a le jeu. C'est toujours le fun, mais avoir le message à travers, vraiment, le parent qui écrit ce qu'il veut, là... Ah oui, c'est ça. Je trouve ça vraiment, bien, vraiment une bonne idée. C'est un bon petit flash, puis les gens qui cherchent une carte qui ressort de l'ordinaire un peu, quand t'arrives à une fête, tu vas avoir le plus cool... Le mononcle le plus cool possible, ben, c'est une bonne. Ben écoute, moi, là, j'ai ma filleule au mois de novembre là, qui va avoir. Elle va être un peu jeune, par exemple, mais je suis assez geek pour le faire. C'est sûr que 5 ans, s'il est déluré un peu, ça va. Alors, baisse un peu. Ouais, mais moi, je réponds à ça que ma filleule est ben allumée. OK, que... excellent. Non, on va s'en reparler, justement, le mononcle cool, là. Je veux que ça soit moi. C'est toi, ça, le mononcle cool. C'est moi. T'as touché sa fibre familiale. Ah oui, de mononcle gâteau, là. Tout à fait. C'est parfait, ça. Écoute, Daniel, moi, je suis emballé par le projet. Merci d'être passé à l'émission. Ça fait plaisir. Nous, on a déjà mis sur le Facebook le lien, puis on va mettre ça sur notre page web également. C'est ça que les gens aillent voir. S'il y a des gens qui sont intéressés par comment faire des jeux vidéo, là, dans les récompenses que j'offre, ces récompenses des plus hauts paliers, là, il y a des formations ou des demi-journées qui peuvent venir passer avec moi, puis je vais leur montrer un peu la base du jeu vidéo ainsi que des logiciels gratuits qu'ils peuvent utiliser. Donc ça, c'est super intéressant s'il y en a qui ont des enfants là, de 15-16 ans qui commencent à vouloir faire ça ou qui trippent jeux vidéo, là, ben, c'est une super bonne occasion parce que c'est un média qui n'est pas accessible, si on veut. C'est pas si facile. Non. Les gens ne savent pas par où commencer, par où le prendre. Puis ben, moi, je peux juste les pousser dans la bonne direction. Puis après ça, ils vont voir que c'est peut-être pas si compliqué que ça. Il suffit de travailler. Mais en fait, avant de te laisser, rapidement, là, ouais. C'est quoi justement les récompenses que tu offres avec ton financement sur la ruche? Ben, dans les paliers les plus bas qui commencent, bon, j'ai évidemment des codes pour des cartes. Bon, 10$, t'as un code. 20$, t'as 3 codes. Après ça, les paliers ensuite, c'est que je fais des portraits en pixel art. Au lieu de juste mettre la photo de l'enfant, j'en fais un portrait en pixel art, puis c'est là que j'intègre en jeu, puis je l'envoie aussi. Fait que si l'enfant veut s'en servir comme avatar, je peux faire aussi celle-là du parent. Après ça, ben c'est ça, il y a une demi-journée au studio avec moi, comment un peu voir comment ça fonctionne, ben, un studio. Là. Je suis seul, mais bon. Oui, mais la conception vidéo, quand même, ça. Oui. Puis après ça, bon, j'ai des formations qui peuvent se donner. Puis même le plus gros palier, s'il y a des gens, des entreprises qui auraient besoin, qui veulent un petit jeu vidéo publicitaire, quelque chose du genre, le plus gros palier, c'est ça, là, c'est j'offre de créer leur jeu vidéo selon mes templates que j'ai, là, mais de créer leur jeu vidéo là, pour eux autres. Là. Excellent. Alors, dernière question, parce que moi, j'aime beaucoup le projet, j'arrête pas. Mais pour, normalement, là, quelqu'un qui veut avoir une carte avec un jeu personnalisé, il faut payer combien? 10$. Moi, je capote 10$, c'est vraiment pas cher. Puis c'est vrai pour le concept, moi, je capote. En fait, si tu fais le parallèle, ça coûte à peu près ça pour avoir des cartes de souhait format géant dans une boutique de cartes. Ouais, t'as le choix entre avoir une grosse carte qui va se ramasser au vidange parce que le monde va s'écœurer et ils n'ont pas de place pour arranger, ou une carte qui vient avec un jeu. Moi, je trouve que c'est gagnant. En tout cas, pour les parents à l'écoute, là, les parents geeks, là, allez contacter M. Daniel là, qui s'en pourra plus parce qu'il va avoir trop de commandes. Heroes-cards.com. Ça s'en va sur le site Internet. À partir de là, vous pouvez y avoir un lien pour la campagne La Ruche, si vous voulez. Sinon, pour la campagne La Ruche, c'est laruchequebec.com. Puis, je suis le projet en mauve le plus gros avec 70% de ramassé. Oh yes! Ah, excellent, on aime ça en plus, un projet qui marche. Direction 71. 71, oui, excusez-moi. Moi, je suis minutieux des détails. 71%, ça, il n'en reste pas beaucoup. Donnez-moi un coup de main, ça va être... il me reste une vingtaine de journées. On a le temps. Apprécié, puis vous allez triper, là, je vous le garantis. 20 jours, on a le temps de ramasser ça, tout le monde. Là. Puis en plus, vous allez avoir des cadeaux à faire. Ben oui, hein, t'as 22 jours pour mettre le 10$ pour avoir une carte pour ta fille. Ça va être un jeu de vaisseau, mais non, c'est pas grave. Non, mais je vais investir genre pour les 3 prochaines années. Alors merci, Daniel, d'être passé à Puissance Maximale. Ouais, merci, ça me fait plaisir, les gars. Puis n'hésitez pas si un autre fois vous voulez. Nous autres du monde avec des beaux projets comme ça, on aime toujours ça les avoir à l'émission. Merci beaucoup, Daniel. Good. Merci à vous autres. Bye. Et M. Castegan, on s'en va en musique avec Prosternez-vous du groupe Anonymous. Et oui, parce qu'à Puissance Maximale, on vous met Capitaine Flamme, Richard Cheese, mais on vous met aussi du metal. Et vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis. Marcus et Alex, les deux snooze. Ben, je pourrais nous considérer comme obèses. Tu sais, quand même assez. On dit-tu les vraies affaires ou pas? Oui. Je pensais que t'allais dire on se considère comme étant plus gros que la moyenne. Je pensais pas que t'allais aller direct dans l'obèse. OK. OK, oh maintenant, boy. Okay. Maintenant qu'on est fatso un peu. Là. Les deux snooze. Jeudi, 22h à minuit. Et oui, de retour à puissance maximale, on a un petit problème de chanson. Non, Black Sabbath, ce ne sera pas tout de suite, mesdames et messieurs. Ce sera la prochaine chanson qu'on va vous envoyer, mais pas celle-là en plus. On va vous envoyer un grand classique. Mais là, on va y aller en nouvelle ludique, mesdames et messieurs. On va vous parler de Grand Theft Auto 5 tantôt, mais on va tout de suite commencer. Puis là, ça parle de ça depuis un bon petit bout, là, depuis la semaine passée, sur les médias. Mais Grand Theft Auto 5 a fêté son milliard de dollars de vente en 3 jours. J'étais assez sur le cul quand j'ai lu ça. Fallait pas, ben, j'étais semi-surpris, en fait, là. Je sais pas, pour ta part, Andrew, là. Oui, ben, je viens d'arranger les affaires. on parle de quelle nouvelle, là? On parle de Grand Theft Auto qui a fait son milliard en 3 jours. Oui, OK, oui. Oui, ben, en fait, je n'étais pas surpris. Ben, ouais, c'est ça, la question. Étais-tu surpris? Et ta réponse est non. Non, non, non. Ben, en fait, on parle d'un jeu qui a financièrement été rentable juste avec les préventes. Ça arrive, les bonnes franchises, là, de plus en plus, là, avec les préventes, là. Après ça, on me parlera que l'industrie va si mal que ça. Non, c'est parce que c'est mal géré, selon moi, là. Puis aussi qu'il y a un modèle. En fait, c'est que. Un modèle à renouveler aussi. Je vais faire comme Usul dans son 3615. Je vais faire une introduction sur le sujet de la façon suivante. Il existe 2 genres de compagnies de jeux vidéo, ceux qui se soucient de leurs clients et ceux qui le font pas. J'aime ça ton propos nuancé, Andrew. Il y a 2 catégories, blanc ou noir. Il n'y a pas de gris dans le domaine du jeu vidéo. Tu as EA qui est le démon, l'antéchrist. Et tu as Bethesda qui peut faire n'importe quelle connerie, mais... On les aime pareil. On les aime pareil. Ils peuvent programmer une version de jeu avec leur derrière sur PS3. C'est pas grave, on les aime pareil. C'est ça. Tout le monde va continuer à jouer avec pareil. Donc, on parle d'un record historique pour Grand Theft Auto 5 pour justement cette vente-là. C'est assez malade, 1 milliard de dollars. Avant ça, c'était Black Ops 2 qui avait avec 800 millions pendant une période de... Je me rappelle pas combien. Un 500 millions en 24 heures pour Black Ops 2, en fait. Voilà. Donc, 1 milliard en 3 jours, c'est assez malade. Donc, félicitations, parce qu'en plus, selon les dires de plusieurs, c'est un excellent jeu dans le même style. Daniel, d'ailleurs, on peut faire remarquer que Daniel est resté avec nous pour jaser de quelques nouvelles ludiques. Vidéo, je vais rester là, certain. Et puis là, t'as pas joué encore, toi, Grand Theft Auto. Non, j'ai pas. Je veux pas. C'est sûrement un très bon jeu, mais j'ai plus le temps de m'investir dans ces jeux-là. Je joue à des choses qui demandent moins d'investissement. Puis aussi avec la clientèle que j'ai à la maison, c'est pas le genre de jeu que je veux rentrer tout de suite. Non, c'est ça. Avec les jeunes enfants, on a beau dire, on va faire attention, on va attendre qu'ils fassent de dos. Oublie ça. Et à moins d'avoir un coffre-fort où on peut barrer le jeu dedans, puis pour être bien sûr, là. La France, on va prendre une armoire comme les fusils. Ouais, c'est ça. Il va falloir enregistrer nos jeux 18 ans. Moi, je ne dérangerai pas du tout, voyons donc. Peut-être pas jusque-là, mais c'est juste faire attention. Ouais, tout à fait. Quand tu connais ta crowd, tu. Mais en fait, en fait, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas entendu tant de critiques. J'ai pas lu tant de critiques que ça. Du fait que c'est ultra violent. Tu, on l'a entendu avant que le jeu sorte. Puis, étonnamment, je vais en parler dans ma chronique, là, mais. Il y a quelqu'un. Non, mais je veux dire, tu sais, j'ai pas entendu tant que ça. Puis moi, à longueur de journée, j'ai le nez dans les nouvelles. Je pense que c'est peut-être une question de expectation. D'habitude, là, les gens le savaient que ça allait être violent. Oui. Il était prêt, fait que... Je vais peut-être faire une remarque que certains vont voir de mauvais goût, mais je fais aucunement de l'humour avec ça. Je fais juste une constatation. Ben, la fusillade qu'il y a eu à Washington s'est passée avant que le jeu sorte. Je suis pas mal certain que si elle se serait passée... Après. Ouais. Ben, si on, ben... effectivement, oh oui. Si on analyse la nouvelle, ça a pu atténuer... Ben, tu sais, si on se fie à... L'effet médiatique de Grand Theft Auto. L'effet médiatique, ouais. Il aurait fini par se rendre compte que le gars, il aurait eu une copie du jeu, puis là, il aurait fait la corrélation de « Ah, le monde qui joue à GTA, c'est tous des malades mentales, des tireurs fous, ben, y en a violeurs eu. D'enfants. » Ça, on a entendu parler. Même notre ami Brental Floss en a parlé sur son channel YouTube il y a pas si longtemps. De ces accusations-là. De toute façon, dès qu'il y a une tuerie aux États-Unis ou peu importe, ailleurs, ben on check toujours s'il y a les jeux violents ou le heavy metal. Mais moi, tout ce que je réponds à ça, c'est mesdames et messieurs, sur votre jeu, quand vous l'achetez, il y a un âge, puis normalement, un magasin de jeux qui se respecte doit faire respecter ça. Les parents doivent être responsables. Je veux dire, quand tu achètes Grand Theft Auto 5 à ton enfant de 12 ans, ça se peut que tu sois irresponsable. Ça se peut. Il y a des. Moi, perso, mes gars, ils ont 6 et 10 ans. Halo, ça passe. C'est de la science-fiction. C'est des splotches de sang mauve et tout ça. Puis c'est pas très. C'est pas, en tout cas, de mon souvenir, c'est pas si graphique, c'est pas si gore que non, ça. Il ben, y a eu la cote mature à cause de. À cause de moi, je les appelle affectueusement les popcorn, des genres de parasites là, qui font des genres de zombies. En fait, il y a eu. La cote mature majoritairement à cause de ça parce qu'il y a du démembrement quand tu te bats contre ces bébêtes-là. Mais en fait, c'est du sang vert, puis ça ressemble pas vraiment à des humains. Là. Donc, tu connais ta crowd, tu connais le produit, tu fais comme bon, OK, Halo, ça passe, mais GTA. Mais c'est ça, le SRB, en fait, c'est autant de bénédiction qu'une malédiction pour un éditeur. Là, parce que dans certains cas, il y a des jeux qui ont des cotes beaucoup trop élevées pour le contenu réel. Ce qu'on a au cinéma. Hein? Oui. Puis, des autres fois, je trouve personnellement que la cote n'est pas assez haute pour qu'est-ce que le jeu a dedans. Là. Ce qui arrive souvent au cinéma aussi, c'est qu'on a des producteurs de films qui vont voir des fois des adaptations, ils vont créer des films qui seraient super intéressants, qui vont enlever... Ils font ça plus soft. Ils vont faire ça plus soft, c'est-à-dire pour avoir une plus grosse audience. Tandis que, tu sais, des fois, il y aurait des films qui gagneraient à être, pas nécessairement plus violents, là, mais je veux dire, plus fidèles au scénario d'origine ou qui ça cannerait plus dans l'idée qui est véhiculée dans le film, dans l'œuvre, que justement juste en enlever c'est pour ça. Avoir plus de monde au guichet. Mais de toute façon, on s'entend, là, l'industrie du jeu vidéo en général et l'industrie du cinéma, pas mal tout le temps, ben ils sont là pour faire de l'argent. C'est une industrie, ils veulent faire des gros sous, donc on peut comprendre. Mais quand on est joueur, de toute façon, on a vu ce qui s'est passé au E3, on le répète souvent, là, quand les joueurs s'unissent, ils parlent d'une même voix ou assez fort, à gueule assez fort, des fois, ça peut donner des résultats. Et j'arrête pas de le dire, mais acheter, c'est voter. Ouais. Ça, il faudrait que le monde commence à comprendre ça. Autant dans les conventions. Tu sais, vous allez dans une convention, vous trouvez ça plate, arrêtez d'y retourner. Ah, c'est là que je vois mes amis. J'ai un bon truc pour vous autres. Appelez vos amis et allez voir. Appelez vos chums. C'est pour ça qu'il existe des lieux publics ou un sous-sol chez les parents ça ou coûter, un appartement. Ça va vous coûter moins cher. Je ne dis pas, allez pas aux conventions, mais si vous n'arrêtez pas de chialer que votre convention est mauvaise, arrêtez d'y aller. Soyez conséquents. Même chose avec vos jeux. Vous avez ici une compagnie. Arrêtez d'acheter le jeu si vous n'aimez pas les jeux. Et ça, c'est dans tout ce que vous... Bon, c'est ça, quand vous consommez, ben, sachez que vous votez en même temps. Mais bref, tout ça pour dire que Grand Theft Auto 5 a dépassé le milliard de ventes en 3 jours. Critique sociale. Comment qu'on faisait pour avoir juste une heure d'émission avant? Ben, c'est juste parce que là, on s'en permet plus. Oui, mais c'est ça. Ben, ça donne des bonnes discussions. Ben oui. Voilà. Là, j'ai envie de faire un silence à la secteur 51, mais... Ben, non, on pourrait le faire. On pourrait le faire. Voilà. Puis encore, c'est court comme silence. C'est court. Mais c'était un silence de qualité. Moi, je considère que c'était un très bon silence parce qu'en plus, on a un invité avec nous autres. Donc, c'est merveilleux. Mais bref, changeons de nouvelles. Oui. Parlons dans le fond de Nintendo. Je pensais d'aller me dire, parlons de GTA V. Non, ça... Plus tard. Plus tard. Mais parlons de Nintendo. En fait, la semaine dernière, je ne le savais même pas. Il y a eu la sortie de Zelda The Wind Waker HD. Ben, tu savais que ça s'en venait. Je savais que ça s'en venait, mais je savais pas que c'était déjà sorti. Mais la semaine passée, t'as été pas mal occupé. Ouais, j'ai sûr, il y avait GTA. Premièrement, je vais dire la chose suivante à Nintendo. C'est quoi l'idée de sortir un jeu AAA en même temps que GTA? Ouais. Mais bon. Tout ça pour dire, surtout qu'en plus, Nintendo compte beaucoup sur Zelda de Wind Waker HD pour faire vendre le système Wii U. Mais là, sortez des jeux, puis vous allez en vendre des Wii U. Vous le savez, la Wii U, malgré le fait que ça soit une console très intéressante pour les jeux qu'on a essayés, est quand même une console qui manque beaucoup de jeux. Et beaucoup de monde, en fait, ne savent même pas c'est quoi une Wii U. Ils pensent que c'est un accessoire pour la Wii. Donc, oui. ne se vend pas tant que ça. Fait que Nintendo ont fait un calcul mathématique très savant. Ils ont fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que la 3DS s'est vendue en innocent qu'on avait un problème? Un remake HD de Zelda Ocarina of Time sur la 3DS. On va faire pareil, mais avec Zelda Wind Waker. On va voir ce que ça va donner. Moi, je vais répondre la chose suivante. Pourquoi vous avez pas fait Majora's Mask? Tant qu'à faire un remake HD d'un jeu. Ouais. Mais bon, ça, il y en a un nouveau. Ça ne viendra pas plus. Non, c'est ça. Il va en sortir un sur Wii U, je pense, en original. Ben, il y a un titre qui a été enregistré qui est The Legend of Zelda, working title pour la Wii U, mais il n'y a pas de date, il n'y a pas d'image, il n'y a pas rien de sorti. Fait que ouais. C'est pas pour 2014. C'est officiel. Le problème avec la Wii U, à mon avis, c'est que c'est trop comme la Wii. Puis les gens qui ont acheté des Wii dans le temps, pourquoi que ça a skyrocketé? C'est les casual gamers. Mm-hmm. Qui est un peu, tu sais, quand tu achètes un lecteur Blu-ray, tu as ton lecteur Blu-ray. Ben en fait, moi, j'ai mon PlayStation 3. Ou quand tu achètes une TV ou whatever, tu as ta TV, mm-hmm. tu l'as. Quand il y a une nouvelle TV qui sort, tu ne l'achètes pas. Parce que les gens ont toutes une Wii, ils s'en servent plus ou moins. Je parle des casual gamers. Fait qu'ils n'iront pas remettre de l'argent pour s'acheter un autre presse-papier qu'ils n'utilisent pas. Mais c'est, j'avoue, mais tu sais, on l'a essayé la Wii U, puis c'est intéressant. Il y a vraiment quelque chose de le fun qui pourrait se faire avec le gameplay. Avec cette manette-là, sans faire, c'est vraiment intéressant. Mais Colin, qu'il se passe rien chez Nintendo développement, là, puis. Ça aide pas non plus. Là, mais... Tu sais, quand t'es une console, quasiment une console ennemie en génération en retard sur le hardware, là, tu sais, quand t'es développeur de jeu, là, tu fais. Ça me tente-tu vraiment de développer là-dessus? T'sais, la Wii, quand ça sortit, c'était une expérience, une nouvelle expérience que tout le monde te dit « Hey man, t'as-tu essayé la Wii? Man, t'as-tu essayé ça? » Mais là, l'expérience de la Wii U, c'est une expérience similaire que les gens ont déjà eue, fait qu'ils se garocheront pas dans les magasins. C'est pas aussi, et là je mets des gros guillemets, là, révolutionnaire que la Wii, parce que là, le mot révolutionnaire dans le domaine du jeu, c'est galvaudé, c'est un méchantant ce mot-là. C'est une nouvelle expérience, parce que les êtres humains recherchent des expériences, puis ben ça c'est une nouvelle expérience, un peu comme on a tout fallu s'acheter Rock Band pour essayer d'avoir l'air de des rockstars dans notre salon. Je l'ai chez nous et je joue encore, j'aime bien ça. Je l'ai encore, mais je joue moins souvent. Comprend pourquoi, disons, Activision, puis pourquoi les autres... en fait, qui c'est qui faisait Guitar Hero? Harmonix, mais on comprend maintenant pourquoi c'est discontinué. Les gens ont eu leur expérience, puis tout le temps avoir un gros drone dans le salon, à un moment donné, ça vient tannant. C'est ça. J'avoue qu'il y a une couple d'années, quand on l'avait annoncé, puis Sens Maximal, j'ai fait « Ah, au moins! » C'est Guitar Hero discontinué, hein? Puis là, Rockstar avait continué un peu. Mais là, finalement, c'est tout à fait logique comme décision. C'est pas Rockstar qui a continué, c'est Rock Band. Rock Band, excusez. Rock Band. Rockstar... C'est un beau lapsus. Oui, effectivement. Rockstar, ils continuent, eux autres. Ils vont continuer longtemps. Eux autres, ça les a même pas affectés. Ils s'en sont même pas rendus compte de cette passe-là. Sweet fuck all. Ça a passé. Comme du beurre dans la poêle. Écoute, on parle, mais là, ça va être le temps d'aller en musique, M. Castegan, parce que l'heure termine, la première heure de puissance maximale. Et on va y aller tout de suite en musique, en fait. Ben, j'aurais juste voulu passer une nouvelle hyper rapide. Oh, Colin, OK, là. Je passe, c'est toi. Ben, en fait, c'est juste parce que le jeu de RPG de South Park, le bâton de vérité qui a passé proche d'être annulé avec le démantèlement de THQ, le projet est toujours en vie et il y a une date de sortie qui serait le 12 décembre pour PC, PlayStation 3, Xbox 360. J'ai tellement hâte de jouer à ça. L'édition collectionneur sera d'ailleurs disponible avec une figurine sorcier de Cartman. Oh screw yeah! You guys, I'm going home. Oh oui! J'ai tellement hâte de jouer à ce jeu-là. J'ai vu les vidéos, ça va être un RPG. Ah, ça va être n'importe quoi. Je suis un gros fan de la série. Pourtant, parce que c'est vulgaire, parce que c'est hautement intelligent, cette série-là, là, pour ceux qui l'écoutent pour vrai, là, qui ne s'arrêtent pas aux jokes de pète. Un jeu, ils ont fait un shooter sur 64, d'ailleurs, de South Park, qui n'était pas vraiment bon. Mais c'est le trip d'avoir un lanceur à vache. Puis, un platformer aussi sur Xbox Arcade. En tout cas, je l'ai vu sur Arcade l'année passée, je pense. Fait que c'est pas le premier jeu de la série, non. Mais ça, je sens que ça va être épique pour vrai. En tout cas, bref, on verra au mois de décembre pour les amateurs de RPG et aussi de South Park. Merci Andrew de nous avoir amené cette nouvelle. Et nous irons donc en musique avec avec la gang de Black Sabbath. Mais ce ne sera pas avec la chanson que vous avez entendue tantôt là, en teasing. On va vous envoyer un classique, War Pigs de Black Sabbath. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Brainwash minds. Oh, Lord, yeah. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. CJMD 96.9, la radio qui s'implique dans sa communauté. Seigneurs Urblax, le cristal de Zagandar ne réussit pas à percer les murailles du château. Ah, sale verre baveuse, mettez la puissance maximale. Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à puissance maximale après War Pigs de Black Sabbath. Et nous, Black Sabbath, et voilà. Et nous voilà de retour. Et on va vous parler de Grand Theft Auto 5. Mais avant, Andrew va vous parler d'une nouvelle assez... Ah ben, il y en a qui ont peur, mais quand même assez intéressante. Atlus a été acheté par Sega. Par Sega, quand même. Ben, deux bonnes compagnies. Sega fait des très bons jeux, et Atlus aussi. Mais il y a des fans d'Atlus quand même qui ont eu peur. Parce qu'on sait quand même que Sega est plus gros un peu. Là. Oui, mais d'après ce que j'ai remarqué, dans le fond, c'est qu'ils font l'acquisition du studio et on parle pas de démantèlement. Voilà. Puis en plus, Atlus a déjà fait des collaborations avec Sega d'ailleurs, dans le passé. Et Sega sont déjà amateurs des produits que Atlus fait. Donc, je vous dirais, soyez rassurés. T'es-tu en train de me dire que c'est un mariage des plus naturels? Oui. Ah. Il va avoir plein de beaux enfants. Ben, on le souhaite. Alors, longue vie au mariage d'Atlus et Sega. Et M. Castegan, on s'en va vers, justement, Rockstar. Et on va vous parler de Grand Theft Auto V. On vous en a parlé un peu la semaine passée, un petit retour Petite première impression après, après deux heures de jeu à la maison lors de la sortie. Mais là, Andrew a pu jouer quelques heures de plus. Oui, pas autant que j'aurais voulu. Mais ça... Parce que malheureusement, je partage la console avec une personne qui joue à Skyrim. Et comme on a déjà parlé dans le passé, Skyrim est un gob-heure. Fait que ça arrive... Ben, comme Grand Theft Auto. Hein. Non, c'est pas pareil. Ah, ben oui, essaye pas. Mais t'as quand même pu rejouer. Et on va parler de Grand Theft Auto 5. Là, on avait dit la semaine passée, on était un peu déçus de ce qui était texture rapprochée, mais il faut comprendre aussi que la grosseur de jeu, le type de jeu, c'est ben, en fait, normal. Je vais revenir là-dessus. En fait, je vais faire une critique en plusieurs étapes. La première des choses, c'est que j'ai eu l'occasion d'essayer Grand Theft Auto 5 sur la Xbox 360 et la PS3. Au niveau des textures rapprochées, je vous dirais que le Xbox 360 est beaucoup moins pire que le PS3 au niveau des textures rapprochées parce que, qu'est-ce que j'ai dit à du monde qui sont propriétaires? Le Xbox 360, pour l'anti-aliasing qui est le... Le procédé qui fait en sorte que vous n'avez pas un nuage de pixels quand vous jouez dans vos jeux. Pixels sont des petits picots, pour ceux-là qui ne le savent pas. Des petits points, dans le fond, qui constituent l'image que vous regardez. Bien, l'anti-aliasing, plus qui est haut, moins vous allez en voir dans votre image. C'est un résumé. C'est plus complexe que ça, là, mais tu sais, c'est... As-tu eu la chance d'avoir une version 360? Oui, j'ai eu l'occasion de voir une version 360 et je vous dirais que la netteté d'image de la version 360 est beaucoup plus haute que la PS3. Parce que de toute façon, comme on a déjà parlé dans l'émission il y a bien longtemps, la PS3 elle a une force brute incroyable au niveau du graphique et tout ça, mais l'anti-aliasing, dépendamment de l'éditeur, il en manque un peu. Et dans le cas de Rockstar... C'est un des problèmes qu'ils ont avec la PS3, c'est que l'anti-aliasing n'est pas tout à fait au point. Donc, ça fait en sorte qu'on a des textures rapprochées, justement, que la finition est beaucoup moins belle que qu'est-ce qu'on a sur la Xbox 360. Je ne suis pas prêt à dire que la version 360 est d'une beauté incroyable et infinie, qui est 10 fois meilleure que la version PS3. Mais il y a quand même une différence. Mais il y a quand même une différence à l'avantage de la Xbox 360. Cependant, la version PS3 a des jeux de lumière beaucoup plus détaillés. Parce que dans le fond, au niveau de quand il fait nuit, la vie nocturne dans la version PS3 est beaucoup plus visible. Donc, dans le fond, les lampadaires, les lumières de voiture et tout autre élément lumineux va vraiment avoir un halo de lumière dans le jeu. Donc, ça va vraiment affecter votre méthode de jouer parce que dans le fond, c'est... En fait, ça explique un peu pourquoi que les chars ont pu allumer manuellement les lumières et qu'il y a le niveau de nuit et le niveau haut, comme sur un vrai char. Parce que la version PS3, il y a vraiment une différence au niveau de la visibilité qu'on a en jouant. Tandis que la Xbox 360, quand c'est la nuit, il y a moins d'effets de lumière. On dirait plus que c'est juste un jeu plus sombre. Il y en a qui vont dire que c'est un détail, c'est pas si important que ça. Non, dans un jeu immersif comme Grand Theft Auto, c'est la même chose dans Skyrim, dans ce genre de jeu-là. C'est ces détails-là qui font que le jeu est plus immersif et plus intéressant. Il faut porter attention à ça. Ben, c'est pour ça que beaucoup d'analystes, de critiqueurs s'entendent pour dire que la meilleure version de GTA est sur la version PS3. Parce que et bientôt sur la PC. Non, ça n'arrivera pas. Mais dans le fond, c'est la version... PS3, merci. La version PS3, dans le fond, là, qui remporterait la palme d'or de l'expérience de jeu, parce que dans le fond, c'est elle qui est le plus immersif, comme tu dis, au niveau de l'ambiance. Sinon, au niveau du jeu en lui-même, le gameplay est somme toute identique sur les deux consoles, à l'exception de la manette, mais ça vient aux préférences des gens. On parle quand même d'un jeu open world, une map que j'ai pas encore vu le bout. J'ai vu du monde, il faudrait qu'on trouve la vidéo, qu'on puisse le mettre sur le site ou sur le Facebook. Qui se sont assis, puis qui ont fait la map au complet, et qui l'ont traversé à pied. Je sais pas combien de temps ça peut prendre. Premièrement, je vais leur dire qu'ils ont vraiment du temps à perdre. Oui, mais il y en a qui sont... Tu sais, nous, on est des amateurs. Là. On fait ça bénévole. On joue à des jeux, on en parle à la radio, sur notre site Internet. Mais il y en a qui sont payés pour faire ça. Et quand tu es payé pour faire ça, tu as beaucoup de temps à consacrer à ces jeux-là. Mais moi, je préfère avoir un regard de gamer. Mais tu sais, même si on prenait un avion ou quoi que ce soit, c'est dur de ne pas faire le fou avec l'avion. Et j'ai pas été capable de me rendre à l'autre bout sans me cracher dans une montagne ou quelque chose comme ça en essayant de faire un barrel roll. Là, barrel roll. Ouais. Ah oui, ben j'avoue que tu sais, juste se promener comme ça, à un moment donné, c'est comme quand tu te promènes à pied dans la rue, il faut que tu tapes sur quelqu'un. Ben, c'est ça. Faut que tu voles de l'argent. Ben, c'est peut-être pour ça maintenant que... Il faut que tu joues au tennis. C'est ça. Ben, en fait, c'est pour ça. Moi, j'imagine que c'est pour ça qu'il y a des activités connexes plus nombreuses maintenant pour détourner notre attention de cette violence gratuite. Comme je disais tantôt, ça... en fait, j'aimerais savoir ton... On a parlé tantôt de la violence, là. J'ai pas entendu tant de cris qui condamnaient la violence de ce genre de jeu-là. Oui, il y en a eu, mais pas autant que je pensais qu'il allait en avoir. Mais tu me dis que comparé... Parce que moi, j'ai joué un peu à d'autres, mais pas tant que ça. Mais tu me dis que comparé à d'autres éditions, c'est une coche au-dessus? Ben, c'est pas le jeu en général qui est une coche au-dessus. C'est qu'en fait, contrairement à d'autres GTA, on joue maintenant avec trois personnages. Michael, Franklin, puis Trevor. Et je dirais que les trois personnages ont chacun une personnalité. Je vais faire un parallèle avec GTA 4. Mettons qu'on joue à GTA 4, on joue Nico Bellic, dans le cas qu'on joue le jeu normal, sans ses expansions. Nico Bellic a une histoire, c'est un gars de guerre et tout ça, puis il se passe des choses en ville, il se bat contre des gangsters, oui, il y a des fusillades, oui, il y a des meurtres, oui, il y a des tabassages, mais ça reste, somme toute, c'est normal, gangstérisme standard. C'est un jeu de gangster, faut s'y attendre. C'est ça. T'sais, c'est pas plus pire ou moins pire que qu'est-ce qu'il y a déjà eu dans le passé de GTA. Quand on tombe dans GTA V, on a Michael et Franklin qui, dans le fond, Michael qui est un gangster retraité, un ancien voleur de banque et tout ça, qui, par des événements que je ne dévoilerai pas pour pas vous spoiler le jeu, est obligé de reprendre du service. Donc, il ne doit pas rester grand monde à spoiler présentement. C'est pas grave. Mais s'il y a peut-être 2% de la population qui n'a pas encore le jeu, qui prévoit y jouer, j'aime mieux pas prendre de chance. T'es respectueux, Endo. C'est ça, je suis respectueux. Et il y a Franklin, dans le fond, qui est comme le gars qui vit dans le ghetto, qui faisait des jobs qui, somme toute, semblaient honnêtes pour gagner sa vie, pour se sortir de cette vie-là, qui, dans le fond, d'un heureux hasard, rencontre Michael, commence à s'intéresser. Mais d'un heureux hasard, pour quelqu'un d'honnête comme toi et moi, c'est plus ou moins un bon hasard, mais pour le type de gars que c'est, effectivement. Ben, c'est ça. Et finalement, il se rend compte que Michael, malgré les problèmes familiaux qu'il a, est quand même un homme qui a, somme toute, bien réussi et est encore en vie, qu'est-ce qui est notable. Ouais, c'est ça. Et dans le fond, a décidé un peu de suivre Michael comme son mentor pour devenir un nouveau gangster. Et on a Trevor, que lui, c'est un ancien collègue de Michael. Et il faut savoir que Michael fait semblant d'être mort, d'être disparu. Et, pour avoir la paix. Pour avoir la paix et en même temps garder une partie du magot. Qu'est-ce que Trevor n'est pas content du tout, du tout, du tout. Fait que lui, il recherche. Et, à un moment donné, il a vent, dans le fond, que Michael est en vie, il le retrouve et finalement, ils se forment un trio dans les heureux hasards. Ben, fait que là, tout ça pour dire que dans le fond, Michael et Franklin, je vous dirais que c'est un peu les personnages modérés de GTA V. Oui, ils sont violents d'une certaine façon, ils ont un langage grossier. Ça reste des gangsters. Ils restent des gangsters, mais t'sais, ça reste dans la violence. Ben, il n'y a pas de la violence de bon goût, mais t'sais, je parle, c'est pas de la violence de mauvais goût. Faut s'y attendre. C'est ce qu'on s'attend dans un genre de jeu comme ça. C'est pas plus pire qu'un film qu'on voit à la télé. Mais quand on tombe avec Trevor, on tombe dans un autre monde. On se rappellera de Trevor qui, dans les trailers qui étaient sortis, essayait de flusher un pied humain dans une toilette. C'est qu'on peut penser que le personnage est un peu plus à côté de la... une case à part. Là. Ben c'est ça. Juste pour vous donner une idée, quand on rencontre Trevor, pas dans le tutoriel, mais t'sais que dans le jeu, quand on est avec Franklin et Michael, quand on bascule avec Trevor pour la première fois, il tue une personne en y pétant une bouteille sur le bord de la tête, en y donnant des coups de pied de sa tête avec sa botte, juste avant que la personne meure. Puis après ça, il prend son pick-up, s'en va rencontrer la gang de motards du gars qu'il a tué pour aller les écœurer. Ah, chose à savoir, c'est qu'il baisait la femme du gars qu'il a tué quelques minutes avant. OK. Pour ensuite aller écœurer les gars de motards. OK, en plus de pas être d'être un peu sadique ou un peu plus fucké que les autres, il est assez inconscient comme bonhomme. Quand même. C'est un personnage qui a tendance à la colère extrême. Et à la violence facile. Exactement. Et quand il va écœurer les gens, les moteurs, ils demandent s'ils ont vu le gars en question, qui s'appelle Johnny, si je me rappelle bien. S'ils ont vu Johnny, ils leur répondent en disant « Ah, il doit m'en rester des morceaux en dessous de ma botte. Ah, tiens, un morceau de cervelle. » OK. Donc, c'est ce genre de personnage-là. D'accord. Et comme des fois, il y a des événements aléatoires aussi qui se passent dans le jeu. Il y a des genres d'événements du genre, il se promène, il y a deux rednecks en train de boire de la boisson sur le bord d'un perron, puis il dit « Ah, j'ai soif, donne-moi une gorgée de ta bière. » Et le redneck fait « T'es qui, toi? Je te donnerai pas de ma boisson. » Et lui, ben, il commence à l'insulter, il dit « Ah ouais, donne-moi de la boisson. » Puis il arrive le moment où le redneck sort une remarque disgracieuse à propos de la mère de Trevor. Fait que il pète une coche et tu finis par tuer à peu près une quarantaine de rednecks. D'accord. Juste parce qu'il n'a pas voulu partager sa bébine et qu'il a dit que ta mère, c'était quelqu'un de pas fréquentable. D'accord. Donc, on voit un peu le genre de personnage. Oui. Mais ça doit former un trio assez intéressant une fois qu'on les a en main, là, ben, justement, en fait, à ces opposés-là. Ben justement, c'est que chaque personnage ont leur force, ont leur faculté spéciale. Mais c'est ça, c'est pas juste des personnages différents. Ils ont des, ben, pas des pouvoirs, là, ils ont des habiletés. Des habiletés spéciales pour eux. Là, j'essaie de me rappeler... Franklin. Lui, c'est le pilote. Dans le fond, quand il conduit sa voiture, il peut activer un genre de mode bullet time qui ralentit le temps. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que tout tombe au ralenti, mais vous gardez plein de manœuvrabilité sur votre véhicule. Quasiment meilleur, je pense. Ça va bien se promener dans le trafic avec ça. Fait que ça fait en sorte que vous êtes capable d'esquiver le trafic, les policiers. C'est un meter qu'on a, qui se dépense, qu'on n'a plus. Ben là, ça remonte quand on roule, finalement. C'est ça. En fait, ça remonte en frôlant les voitures, en roulant en sens inverse. Daredevil du volant. C'est ça, exactement. On a Trevor, que lui, c'est un berserker. Dans le fond, c'est qu'il tombe en mode rage. Et le mode rage, ce que ça fait, c'est que les guns font plus d'impact, sont plus forts, et tu encaisses mieux les balles. Donc, mais par exemple, c'est à double tranchant. Là, mais tu sais, maintenant qu'on est dans un segment où on a besoin de vraiment faire le ménage, ben, on active ce mode-là. Et ça fait en sorte qu'on est plus fort. Il y a juste Michael, que je pensais que c'était les armes à feu. Mais là, j'étais comme plus certain, puis à date, j'ai pas réussi à réactiver son pouvoir, puis j'ai essayé de trouver sur Internet pour être sûr, et je l'ai pas trouvé. On va reviendre avec ça dans une autre émission. Je pensais que c'était les armes, sérieusement, okay. Là, mais c'est peut-être ça aussi, mais j'ai comme pas compris comment que son pouvoir marchait, j'ai comme pas lu la petite case quand elle a popé. Fait que malheureusement, je pourrais pas confirmer Michael, mais ça aurait du sens que ce soit les armes à feu, parce qu'au niveau du gunshot, il est quand même assez fort. Au niveau des personnages, on a des personnages intéressants, on le voit. Mais le jeu, Andrew, est-ce qu'il est si immersif? Y a-t-il quelque chose qui t'a vraiment... En fait, ma question, c'est, y a-t-il vraiment quelque chose qui t'a tapé ses nerfs? Au point de... Colin, ça gâche mon expérience de jeu. Pas exactement. En fait, c'est que il y a une chose... Non, ben en fait, comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas eu d'éléments majeurs qui ont fait en sorte que ça gâche l'expérience de jeu. Il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé que j'ai fait « Ah, là, GTA, il aurait été meilleur. Si ça ne se serait pas passé. » C'était meilleur dans le bon vieux temps. Mais il y a certains éléments qui avaient fait comme faux dans GTA 4 et que je trouve que dans GTA 5, qui ont manqué un peu leur shot. Exemple, la consommation d'alcool et de stupéfiants. Parce que dans GTA V, on peut se saouler comme dans tous les autres, mais là, ils ont rajouté aussi la consommation de marijuana. Ça, de mémoire, vraiment visuel dans le monde 3D, le monde HD, non pas 2D de l'époque, c'est une première. C'est que de mémoire, je dis ça de mémoire. Sauf que l'alcool dans GTA 4, dans le cas qu'on était vraiment trop sous, on pouvait s'enfarger dans des chaînes de trottoir, on pouvait débouler des escaliers, tout ça parce qu'on était trop sous. Moi, je trouvais ça vraiment génial. Je trouvais ça, premièrement, très drôle. Et deuxièmement, ben, je trouvais que ça rajoutait un élément submersif parce que t'as bu comme un porc, il y a bien du monde qui tiennent pas debout puis qui s'évache à terre. Tu parles d'expérience, Andrew? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Un mot, vodka? Non. Qu'est-ce qui s'est passé à Gatineau? Reste à Gatineau. Mais c'est ça. J'ai cru remarquer, par exemple, que c'était pas très long comme effet. Non, c'est ça. C'est que non seulement l'effet est pas très long, mais dans le fond, ça fait juste déclencher un genre de monologue du personnage avec lui-même sur son état en général. Donc, tant qu'on consomme la marijuana, ben, il est plus sûr s'il est A ou B, il aime pas les B, puis une espèce de conversation de gogelé, là. Mais j'aurais aimé ça que, dans le cas qu'on va dans un bar, qu'on se saoule, ben, qu'on titube, avoir de la misère à se rendre à la voiture, puis quand on conduit la voiture, qu'on est vraiment en état d'ébriété. Mais comme là, tu bois, puis t'as même pas le temps de sortir du bar, que ton effet est déjà plus là. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait se corriger avec un update, ça? Ben ça, je sais pas. Ça dépend de comment ça a été programmé. Mais tu sais, ça, je trouve que c'est un élément qui était correct dans GTA 4, mais que dans GTA 5, ils auraient pu l'emmener. Qu'est-ce qu'ils ont pas fait? Fait que tu sais, ça, je trouve ça un peu de valeur. Mais oh. Sinon, ils ont fait beaucoup d'améliorations sur la physique des véhicules. Ouais, j'avoue que pour l'avoir pris en main, là, ça se conduit numéro un. En fait, ça va trop bien. Quand t'es habitué de jouer à GTA 4, t'es habitué que les chars, ils pèsent rien, puis que tu glisses pendant des heures juste à essayer de braquer. Tandis que là, ça répond. Puis en plus, tu peux améliorer tes freins, tu peux améliorer le moteur, tu peux customiser le char à 100%. Fait que là, je suis comme, bon, ben là, imagine-toi donc que j'ai les freins les plus mauvais du jeu, puis je trouve que ça break bien, ça va pas bien. Fait que c'est ça, mais en même temps, les dégâts, c'est génial. Si on fait un saut, on le prend mal, on peut carrément plier le frame du char, faire en sorte que les voiliers ne roulent plus. Donc, non, vraiment une belle amélioration au niveau des impacts. En même temps, GTA n'a jamais eu de voiture de marque par principe, que puisque les voitures peuvent être entièrement destructibles, ben ça fait en sorte que les compagnies ne veulent pas vraiment que les modèles de leurs vraies voitures existent. Et sauf aussi qu'ils vont peut-être, ils servent des fois à faire des génocides. Mais qu'est-ce qui n'est pas pire, c'est que j'ai cru remarquer quelques voitures que les textures étaient assez bien définies pour qu'on voie des parodies de logos. Comme j'ai vu une voiture qui avait un genre de 4W qui ressemblait beaucoup à un logo d'Audi coupé en deux. Ouais. Et c'était une voiture dans le genre des Audi. Puis on a, je pense qu'il y a une voiture pendant que tu jouais chez nous, ça ressemblait. En tout cas, le modèle, ça ressemblait vraiment à une Porsche. Là. Oh oui, on le voit, on voit quand même les références. Là. Exactement. Mais sinon, je vous dirais qu'au niveau des, du monde très submersif, on se promène, il peut y avoir des événements aléatoires, comme exemple un coffre, un camion-coffre d'une banque qu'on peut voler. Ou encore, avec Trevor, ça m'est arrivé deux fois de tomber sur des gens complètement sous qui demandaient à Trevor « Veux-tu aller me porter à ma chambre d'hôtel? » Et tu avais le choix de faire le bon samaritain et aller l'emmener à sa chambre d'hôtel avec sa voiture. Ce que t'as pas fait. Ou aller le vendre à une espèce de camp de redneck bouseux dans le fond d'une montagne qui, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais bref, tu peux les donner, puis eux autres, ils les prennent en otage, puis ils te donnent de l'argent. Fait que, puis quand même assez payant, là, c'est 1000$ par personne, tu sais. Moi, personnellement, c'est... la part du gain... La part du gain t'a conduit à faire ça plus d'une fois? Ben, en fait, théoriquement, je l'aurais fait deux fois, mais le deuxième coup, j'ai tiré du gun sans faire pareil exprès. Fait que le gars, il est sorti du char en faisant... Fait que ça n'a pas marché. J'étais à côté, en plus. Franchement, Andrew. Fait que là, côté immersif, là, on est dedans. On est vraiment dedans. Comme tu dis, là, finalement, c'est sûr que pour les graphiques, j'ai quand même été impressionné pour l'environnement. Quand on bouge, ça va bien. On rapproche sur notre histoire, mais c'est normal. Les contrôles, on en a parlé, ça répond bien avec un ciblage automatique pour les guns. Ça, je trouve ça vraiment cool. Pour un gars qui est efficace. Puis un gars qui n'est pas habitué là, de jouer en shooter sur console, là, moi, c'est une bénédiction. Ça me faisait... C'est une des raisons pourquoi j'espère qu'il y ait une version PC. Mais sans farce, plus je vois ça aller, je pense que je vais me laisser tenter par la version PS3. Puis au diable la version PC qui ne viendra peut-être jamais. Puis en plus, la plupart de mes amis sont sur console. Puis le multiplayer s'en vient bientôt. Oui, donc. D'ailleurs, il va falloir qu'on refasse une autre critique de GTA pour le online. Ouais. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur quelque chose, Michael, si tu me permets. Ben, certainement. En fait, veux-tu que je donne avant tout, veux-tu qu'on conclue la critique et je vais faire ma parenthèse? Ben, combien de roues sur 10, ben, on parle d'auto, là, donc combien de roues sur 10 donnes-tu à Grand Theft Auto 5? Je pensais que tu allais dire de roues écrasées. Mais là, je parle pas de roues, les cheveux. Là. Non, mais je pensais que c'est ça. Que wheel, dire. Tires. Ouais, c'est bon. Sérieusement, je vous dirais 9.5. Le 0.5, bon, c'est ouais. Pour les petits éléments. Comme je vous dis, si on fait un parallèle entre les anciens GTA, il y avait des bons éléments qu'ils avaient fait des anciens qui auraient pu ramener dans GTA 5. Il y a une question pour toi avant qu'on finisse. Est-ce que tu as rencontré beaucoup de bugs? Parce que ça arrive des fois... majeur. Lequel? Une route qui n'a pas chargé. Ouf! Ouais, je roulais à pleine vitesse, il y avait un genre de rectangle gris sur la route, puis là j'ai fait « Ah, ok, genre de bug d'affichage ». Et quand l'auto est arrivé dessus, le jeu a gelé pendant à peu près une dizaine de secondes jusqu'à temps que je suis réapparu l'autre bord du dit trou. Et je vous mentirai pas que j'ai rentré dans un mur. Ok, il y a quand même quelques bugs, donc il va falloir surveiller ça. Mais c'est pas si pire. J'ai déjà vu des jeux de Rockstar avec plus... Ah oui, non, en fait, deuxième bug aussi, j'ai déjà passé à travers un mur. Je me sauvais de la police et... J'ai sauté une barrière que je n'étais pas supposé normalement de sauter, mais ils n'ont comme pas testé la barrière. Fait j'ai sauté par-dessus et j'ai fusionné avec une maison. Mais j'ai été capable de sortir après. Mais ça fait dans le sens que j'ai réussi à me sauver d'une police à 4 étoiles. Good. Parce qu'ils ne me trouvaient juste pas. Ah, c'est bon ça. Excellent. Mm-hmm. Écoute, Andrew, fais ton flash. Parce que dans le fond, tu m'as fait penser, quand tu parlais justement que ah, ça s'en vient PC, nanana, nanana. Je veux juste faire une parenthèse parce que il y a du monde qui me sort ça comme argument. Oui. Et je vais leur dire sérieusement. Lequel argument? Moi, quand que je parle de quand je fais des esports, et je le dis, non, pour l'instant, ça ne sort pas parce que je me fie sur un fait que Rockstar ont dit que ça ne se ferait pas. Oui, il y a eu des lapsus ou des choses comme ça. Et oui, je suis conscient de ça. Mais quand je dis que j'attends une source de nouvelles fiable qui va dire que le jeu va sortir, j'appelle ça une annonce. Dans le principe que Rockstar dit, on va sortir une version PC ou une version PS4. Mm-hmm. S'il vous plaît, ne prenez pas pour du cash la nouvelle du gars qui a posté du code sur Pastebin qui dit dans le code source du CD de Xbox 360 qu'il y a une version Osiris PS4 et PC Overdrive. Ça veut rien dire. Si ça me tente, je vais aller chercher du code, je vais mettre ça dans un notepad, puis je vais écrire Osiris puis PC Overdrive, ouais, tout à fait. Et ça veut absolument rien dire. Ça veut pas dire que ça a été pris là, tout à fait. C'est ça. C'est juste parce que, je le dis, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, qui prennent ça pour du cash. Et quand vous lisez les articles, justement, des médias comme jeuxvideo.com, ils vous disent de prendre ça avec des pincettes. De toute façon, tout ce qui est rumeur dans l'industrie du jeu, il faut toujours faire attention. Je trouve que Sega Spectrum est un très bon exemple ouais, de ça. Oui, tout à fait. Il y a eu un petit hype avant le 3, puis finalement, il s'est rébasé. Mais moi, le PC, je dis pas que ça va absolument arriver. Je dis pas que ça arrivera pas. Mais tu sais, le seul jeu qu'ils ont pas mis sur PC, c'est Red Dead Redemption. Parce que toutes les autres, après, ils en ont eu. T'sais. Il y en a juste un qui n'ont pas mis. Puis avec l'aspect multiplayer qui s'en vient, je trouverais ça un peu niaiseux. Mais bon, ça, c'est ma vision à moi. J'ai rien pour appuyer. Je vais juste y aller de... De ton analyse personnelle. De mon analyse personnelle et du fait qu'ils ont tous édité leur Grand Theft Auto, Max Payne, Elle est Noire. Ils les ont tous envoyés sur PC. Oui, ils ont eu des problèmes pour le portage, mais calvasse, je peux pas croire qu'en 2013, ils se trouveront pas quelqu'un pour le faire. Mais de toute façon, ils vont le faire sur PC, ils feront pas ça là. Ils viennent de le sortir sur console. Putain, c'est comme pareil pour PS4 puis Xbox One, là. Moi, je maintiens mon point que sur les consoles next-gen, vous avez plus de chances d'avoir Red Dead Redemption 2 que GTA 5. Ouais. Je veux pas briser. Mais ils l'ont-tu annoncé sur la prochaine génération? Non. GTA 5? Ouais. Non. Bon. Puis la seule chose que je sais, c'est que dans une interview, Rockstar disait qu'il comptait Red Dead Redemption comme étant une licence qu'il voulait continuer puis maintenir. Ça a été assez populaire. Puis regardez, GTA 5 est sorti. Puis comme j'ai dit, dans l'histoire de Rockstar, c'est jamais arrivé que Rockstar ont sorti un jeu sur, mettons, Xbox 360 puis qu'ils foncent une nouvelle console d'une génération au-dessus. Ils l'ont fait en Virtual Console. Dans le fond, oui. La version PS3 qui roule sur une PS4, exemple, ou PS2 sur PS3. Mais ils feront pas de retouches spéciales. C'est ça. C'est jamais arrivé. Fait que, tu sais, si ça arrive, tant mieux. Tant mieux. Tout le monde va être content. Mais je fais juste vous dire que, historiquement, c'est jamais arrivé. Mais je pense que sans. Ben, franchement, là, Grand Theft Auto 5 sur PC, là, ça serait une expérience assez malade. Autant au niveau du graphisme, du niveau du multiplayer. Parce que, habituellement, sur PC, les services multiplayer sont plus fiables. Et la maudite communauté de modeurs, ça va être malade mental. Jouer Bob l'éponge. Genre, jouer Bob l'éponge dans Grand Theft Auto. Ou avoir des voitures de marque, ça peut arriver, des nouvelles armes. Et pour les tricheurs d'entre vous, ben des triches. Il y en a des modes pour ça. Non. Je te le dis. Leveler Tower. Je ne vois pas de quoi. Ça, d'ailleurs, c'est toi qui m'en avais parlé. C'est même pas moi. Ben, en fait, c'est parce que quand j'avais lu la description, je savais pas que c'était pour cheater. C'est quand je l'ai installé, j'ai fait « Ah! » Donc voilà, merci beaucoup Andrew de nous avoir parlé de Grand Theft Auto 5. On va sûrement avoir parlé dans les prochaines semaines parce que le multiplayer s'en vient. C'est pas mal la semaine prochaine. Hein? Puis là, moi, il faut qu'on se parle Andrew justement. J'ai envie de l'acheter parce que là, on a des amis, là, plein d'amis qui se l'ont acheté. Là, on va se monter un crew, je pense. Tant que je suis le leader. Jamais. T'es roux. Et voilà, merci beaucoup Andrew d'avoir parlé de Grand Theft Auto 5 sur PS3. Dans le jeu, ça paraît pas ça. Non, mais nous autres, on le sait. Et on vous envoie de la musique, mesdames et messieurs, avant qu'on parle du Samsung Galaxy S4. On vous envoie une chanson qui s'appelle Hyperespace de Narf et le Null Band dans l'espace. Pour ceux qui connaissent Nullbuck et le Null Band, vous savez c'est quoi. Donc, une série en audio. Parodique des jeux de rôle à style un peu vraiment un peu à la François Pérusse pour le genre de voix, mais bref, humoristique, ben il y a quelqu'un qui a fait un de leur équipe qui s'appelle Narf, ça c'est son surnom, qui a fait une série qui s'appelle Le Survivor, donc dans le même esprit de Canal Buck, mais version science-fiction un peu à la Star Trek, Star Wars, et ils ont fait des chansons eux aussi, donc on vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale à CJMD 96.9 FM à Lévis. Attendez un peu, c'est pas compliqué. Ils sont partis, partant. CJMD débute la journée du bon pied avec Laurence et Mathieu. Horoscope, offre d'emploi, actualité et musique entraînante. Deux toasts et demi le matin, du lundi au jeudi, 8h. CJMD FM. La musique. Vous en voulez? En voilà. La seule station sur la rive sud. Vous aimez ça? Ben, en voulons encore. Et ça donne qu'on a les artistes d'ici aussi. La cerise sur le Sunday. Je suis content de mon ouvrage, de mon métier, je suis bien payé. Ouais ben, c'est ça, hein. CJMD 96.9, la seule radio sur la rive sud. En semaine, du lundi au jeudi dès 20h, ne manquez pas les Rois du sport avec Valier Roy et ses chroniqueurs. La comptabilité vous donne des maux de tête. Baudry Dawson Service Comptable vous allège la tâche et réduit votre niveau de stress. Tenue de livre, paye ou même transfert électronique, Baudry Dawson s'en occupe pour vous. Baudry Dawson, service comptable, 425 Chemin des Chutes, Saint-Nicolas, 418-836-1881. Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Et voilà, c'était une magnifique chanson donc de Narf et du Null Band dans l'espace. Et... je le rappelle parce que ça fait 3 semaines qu'on est en onde à CJMD. Pour les habitués de Puissance Maximale qui nous suivent depuis 6 ans maintenant et qui font comment ça, il y a de la pub. Ben, je pense qu'on est rendu à CJMD et à CJMD, ben, ils ont des annonceurs. Voilà, c'est tout à fait normal. Ne faites pas le saut. C'est tout. Mais maintenant, vous avez 2 heures. Voilà, grâce à ça, vous avez 2 heures de Puissance Maximale toutes les semaines. En fait, c'est comme avoir 2 semaines en une. Si tu checks ça, comme à l'ancienne méthode. Et là, Andrew n'est pas sûr de ma comparaison. Donc, je vais aller tout de suite vers ma critique. En fait, critique, comme je dis, moi, j'y vois de mes impressions personnelles, en fait, sur le Galaxy S4 que je possède depuis 3 semaines. Donc, le Galaxy S4 est un téléphone de Samsung. Moi, je l'opère avec le fournisseur Rogers. Et écoutez, c'est un téléphone, ma foi, j'adore ce téléphone-là. Moi, j'avais un Xperia Play. Avant, j'avais fait la critique d'ailleurs à Puissance Maximale il y a 2 ans. Il était donc bien merveilleux et beau à l'époque. Oui, bien en fait, c'est un test que je faisais parce que moi, je suis. En fait, je rappelle l'Xperia Play, qu'est-ce que c'est? Un téléphone de Sony Ericsson qui avait la magnifique possibilité. En fait, pas une possibilité, il était là. Donc, c'était comme un slider, mais à la place d'avoir un clavier pour taper, un clavier physique, bien, vous avez une manette de jeu. Écoutez, c'était plein de promesses, l'Xperia Play. On nous promettait une belle. Une galerie de titres de jeux compatibles avec la plupart des émulateurs, ce qui est tout à fait vrai pour les émulateurs, sauf que moi, on dit que les titres de jeux n'ont pas suivi. Et ça m'a confirmé une chose, je ne suis pas vraiment un gamer mobile. Je ne trippe pas vraiment. Tu sais, les PSP et 3DS de ce monde, ça ne me fait pas tripper. PS Vita. PS Vita aussi. Il faut que ta nomme, elle a besoin d'amour. Ben aussi. Non, c'est des bonnes machines. C'est juste que jouer ça à go comme ça... Ça m'intéresse moins. On ne l'embarque pas. Un petit fighter comme ça, là, pour passer le temps 10 minutes, OK, mais je ne m'achèterai pas une console pour ça. Et je me suis rendu compte que mon cellulaire non plus. Cette option-là, c'était pas si important. Et évidemment, la technologie des téléphones mobiles, il y en a qui vont dire qu'elle évolue vite. Il y en a d'autres qui vont dire qu'elle pourrait évoluer plus vite, mais les fabricants veulent nous vendre des téléphones aux 2 ans. J'aurais tendance à être d'accord avec eux. Donc, je me suis procuré le Galaxy S4 pour, justement, vu que j'étais rendu à changer mon téléphone. Écoutez, ça fait une grosse différence au niveau du format, beaucoup plus grand, parce que c'est quand même un écran, et là, je vous sors de 5 pouces, comparé, disons qu'on compare au iPhone 5 et iPhone 5S, qui sont un écran de 4 pouces. 1 pouce, ça paraît en maudit sur un écran. Et moi, je travaille avec du monde qui ont des iPhones à longueur de jour. Je vois quand même la différence. Puis c'est le fun. Puis il faut dire que la résolution de l'écran, c'est du Full HD. Ça paraît en maudit. Ça fait vraiment des belles images. Puis vous pouvez écouter votre émission The Walking Dead en pleine résolution. Tout à fait. Puis vous pouvez écouter Puissance Maximale. Aussi. Sur... Mais pas le déballage de Grand Theft Auto. La résolution n'est pas bonne. Non, c'est ça. Elle n'est pas adéquate pour votre... On a fait des tests comme ça, là, mais bon, voilà. Écoutez, ça va aller quand ça améliore. C'est ça. Je donne quelques applications. D'ailleurs, je dois remercier M. Alex Carignan, qui est un de nos auditeurs, qui nous a envoyé une nouvelle. Je ne sais pas si Andrew, tu peux aller la chercher dans les messages de la page de Puissance Maximale. Qui est sortie cette semaine, en fait, parce que là, avec le nouveau iPhone 5S, il y a un senseur pour les empreintes digitales. Et cette semaine, il aurait été hacké, ce senseur-là. Donc, on nous promettait que c'était une update sécuritaire pour votre téléphone. Et là, c'est déjà hacké. En tout cas, Andrew pourra nous sortir les détails pendant que je continue à parler du S4. Je viens de t'envoyer ça, mon charismatique animateur. J'aimerais juste ça que tu le lises. Check les détails pendant que je continue à parler du S4. Ben, je peux pas. Tu parles. Ben, tu peux le lire. Ah, OK. Et donc, voilà, écran AMOLED comparativement au LCD du iPhone. Je vois en comparaison avec l'iPhone parce que c'est quand même un des téléphones, sinon le téléphone le plus populaire sur le marché. Au côté batterie, on nous dit que pour le 3G, en 4G, c'est 13 heures. 17 heures en 3G, comparément à un 8 ou un 10 heures pour le 5S. En tout cas, moi, je trouve quand même, je trouve que pour Apple, ils ont quand même une bonne performance de batterie habituellement. Le S4, il siphonne beaucoup la batterie. Mais il est neuf, donc là, pour le moment, je le recharge encore une fois aux 24 heures. Puis j'ai pris l'habitude de ne pas le recharger la nuit pour pas qu'il charge trop pour rien, là, qui n'est pas bon pour la batterie, en fait. Donc, je le charge quand je suis au travail pendant ma journée, puis je le recharge à 100% quand je pars. Tout est correct, il est bon pour la nuit. Pour faire un retour sur l'article que tu voulais que je lis. Oui, vas-y. Je l'ai lu en diagonale. Là. En fait, c'est des chercheurs allemands qui ont prouvé qu'on pouvait déverrouiller le nouveau smartphone d'Apple à l'aide de fausses empreintes en latex. Donc, dans le fond, ils ont fait des fausses empreintes digitales avec du latex. Et le scanner a vu que du feu et a déverrouillé. Et ils ont fait un autre test aussi un peu inusité. Ils ont testé avec une patte de chat. Et ça a l'air qu'ils ont réussi à déverrouiller le téléphone aussi. D'accord. Il y a une vidéo YouTube à l'appui de l'exploit. Sauf que vous comprendrez que puisqu'on est à la radio, on ne le fera pas jouer pour la joie de vos oreilles. Mais Andrew pourra peut-être le mettre sur la page de Puissance Maximale au niveau de Facebook pour que vous ayez voir ça. Écoutez, en continuant, moi j'ai la version 16 gigs. C'est un téléphone très, très, très performant. Pas beaucoup, en fait, aucun ralentissement pour le moment. Je continue à dire qu'il est encore neuf, donc... peut-être que quand il sera plus vieillot, on verra les ralentissements arriver. Mais pour le moment, ça va. Numéro 1, on parle de quad-core au niveau du processeur, comparé à un dual-core au niveau du iPhone. 16 gigs, voilà, je l'ai dit. Et en plus, vous pouvez vous mettre une carte SD qui va aller jusqu'à 64 gigs en plus de votre mémoire interne de 16 gigs. Donc, moi, j'ai une carte de mon ancien téléphone qui était du 16 gigs. Donc, en gros, j'ai 32 gigs de mémoire dans mon téléphone et c'est en masse. Ma carte, il faut dire que ma carte SD est pas mal pleine de musique, mais un des problèmes que j'avais avec mon ancien téléphone, c'est que j'avais seulement 512 MB de mémoire interne, ce qui fait que après quelques grosses applications genre Facebook, Twitter, ces affaires-là, ça remplit quand même assez bien un téléphone. Et là, quand c'est le temps de les mettre à jour, ben là, mon téléphone disait que j'avais plus de place, donc j'avais de la misère à mettre mes applications à jour, ce qui n'est plus le cas grâce à la mémoire interne. Maintenant, le 16 GB s'est rendu un peu la norme là, quand on parle de la haute... Du haut de gamme, là. C'est parce qu'il faut dire que c'est quand même un téléphone haut de gamme. Il coûte quand même assez cher. Sinon, rapidement, là, un appareil quand même assez performant, 13 mégapixels au niveau de la caméra qui fait du Full HD comparé aux 8 mégapixels du iPhone. Sinon, encore du Full HD pour la cam. Comme pour la aussi pour ça, la vidéo. Pour la vidéo. C'est la même chose aussi au niveau du iPhone. Sinon, 2 mégapixels pour la caméra de front, qui n'est pas la caméra principale. Et voilà, 700, comme je disais, là, pour la capture vidéo également, là, du 1080p. C'est un téléphone, c'est ça. Au niveau des statistiques qu'on peut voir, versus même le 5S qui vient de sortir, la batterie plus performante au niveau du processeur. C'est un téléphone il est tout petit. Et autre chose remarquable sur le téléphone, sur le S4, il y a le Gorilla Glass, qui est la vitre qui forme l'écran. C'est un prototype. C'est plus vraiment un prototype. Mais c'est le premier téléphone qui l'a, en fait. C'est une exclusivité Samsung, parce que c'est Samsung qui l'a fait. Et c'est un verre ultra résistant. Et moi, ça fait 3 semaines que je l'ai. Il n'y a aucune scratch sur l'écran. Puis moi, j'ai pas d'étui de rubber qui va autour. J'ai rien qui va par-dessus. Moi, ça va direct dans ma poche de pantalon, dans mon coat. À travers ta monnaie. Puis sans farce, là, aucune scratch. La seule affaire, je trouve que le case est en plastique. Sur le site donc qui s'appelle phonearena.com où je t'avais fait mes comparaisons de statistiques, on me dit que c'est fait le case est fait en polycarbonate. Ben, mais c'est un plastique, mais il est quand même résistant. Ouais. Mais il en mange quand même pas pire. Il a l'air cheap un peu, mais... Mais regarde, c'est le même plastique que le mien, là. Mon téléphone, je l'ai ici, là. Tout un S3. Ben, j'ai un S3, ouais. Mais c'est pas grave. Oh, mais, oui. Tu sais, j'ai quelques graphiques sur le capot arrière, mais tu sais, il n'y a pas de cassure ou quoi que ce soit, comme tu peux constater à distance que tu es. Puis moi, ça va faire à peu près un peu plus d'un an que j'ai mon S3. Pareil pour moi, j'ai pas de pellicule plastique et j'ai aucune graphing sur mon écran. Donc le Gorilla Glass a vraiment chapeau Samsung. Je vous dirais, si vous avez investi dans une pellicule plastique parce que le vendeur vous a dit que c'était donc bien nécessaire avec votre Samsung, ben vous avez mordu à l'hameçon. Ouais, non, c'est ça. C'est le moindre moment que vous faites attention, vous le sacrez à terre. Ça reste un téléphone, là. Vous le sacrez à terre pour toutes vos forces ou vous l'échappez sur l'asphalte, il y a des chances qu'il soit magané. Ça, il faut faire un minimum attention à nos choses. Au niveau du téléphone, là, c'est pas trop compliqué. Mais la pellicule plastique, elle fera pas plus de différence. Non, ça, pas du tout. Non, c'est ça. Écoutez, pour les amateurs, ceux qui se cherchent, qui sont présentement en recherche d'un bon téléphone, qui sont amateurs d'Android, parce que ça roule sur Android, bien évidemment, et qui ont les sous pour se procurer du haut de gamme. C'est pas si mal que ça. Ben avec un contrat, c'est pas si pire. Avec le contrat de 2 ans, en tout cas chez Rogers, ça vous a à peu près 230$ avec les taxes. Puis vous avez un 50$ de rabais postal. Mais ça, vous allez sur leur site dans votre compte Rogers, puis vous pouvez l'envoyer direct. Mais voilà, écoutez, un excellent téléphone, rapide, avec une image superbe, ça se manie très bien. Un peu grand, c'est le fun, un écran de 5 pouces, mais... Si on l'a à une main, notre pouce, c'est une question d'habitude, ça. Tu vas t'habituer. Mais si on le rend de l'autre bord, on a tendance à accrocher les icônes avec notre main qui sont de l'autre côté. C'est ça, mais c'est une question d'habitude. Ça m'a pris du temps. Mais c'est un téléphone qui répond super bien. Donc, pour les amateurs, ceux qui veulent avoir un bon Android, là. Dis-moi, Mickaël, on va juste parce qu'il y a deux nouvelles que je tiendrais absolument à ce qu'on parle avant la fin de l'émission. Ben, allons-y. Tu mettrais combien d'Android sur 5 à ton Samsung? Ah, bon 4.5. On score haut ce soir. Même un 4.8. 0.8, oh! Ouais, c'est ça. Parfait. Non, mais sans farce, un achat à faire pour ceux qui ont besoin de faire un renouvellement. C'est ça. En fait, c'est très rapide. Je suis sûr que tu vas d'accord avec moi au niveau des nouvelles. En fait, Valve est dans une semaine où il annonce beaucoup de choses. Ça a commencé par l'annonce d'un OS, Steam OS, qui est destiné aux fabricants pour faire possiblement des boîtes, des box, dans le fond, qu'on va pouvoir brancher à la télévision pour pouvoir jouer à nos jeux Steam sur le grand écran. Et on parle d'un système Linux gratuit qui va être disponible directement sur le site Internet. Donc, même monsieur, madame, tout le monde chez eux va pouvoir monter eux-mêmes leur propre Steam Box si ça leur tente. Et il y a un Steam Box qui est annoncé pour un bêta test. Ben en fait, c'est pas un Steam Box directement qui a été annoncé. Mais ils ont annoncé, dans le fond, qu'ils recherchent des bêta testeurs pour tester des machines proposées par de divers fabricants à partir de 2014. Donc, ça offre quand même une bonne possibilité. Aussi, en même temps, il y a certains critères qu'il faut respecter pour pouvoir être éligible à tester cette boîte-là. Mais ça risque quand même un produit qui risque d'être fort intéressant. Un autre concurrent dans le marché des consoles qui est quand même à prendre très au sérieux. Oh oui, on va surveiller ça. Et en terminant, mesdames et messieurs, un petit rappel, parce qu'en fin de semaine, c'est le festival de jeux de Blainville. Donc, si vous êtes dans la région de Blainville, ben faut vous y rendre. Donc, ça se passe à La Zone, à Blainville, le 27, 28 et 29 septembre. C'est la première édition, elle est là en grand nombre, parce qu'on aime ça, les événements ludiques à puissance maximale. Et il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, mesdames et messieurs, cette fois-ci du côté de Québec, pour un party d'Halloween du Fanamanga qui va se passer le 2 novembre prochain. Donc, allez regarder ça sur Internet, allez voir sur la page du Fanamanga, sur Facebook, Fanamanga, F-A-N-A, Manga, tout en un mot. Vous allez tomber dessus et allez voir, ça coûte 15$. Et donc, il va y avoir une parade de mode de la compagnie Putré Fashion, de la danse, jeux, concours, mascarade pour les costumes et bien d'autres choses qui seront annoncées. Bubble Tea, évidemment, et qui vont être disponibles là-bas par la gang de Fanamanga. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de Puissance Maximale. Déjà, ça va tellement vite, même pour 2 heures. Mon nom à moi est Mickaël Michaud, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux en compagnie de M. Andrew Castegan. Merci, Andrew, d'avoir été là. Toujours un plaisir. On va finir par en faire une parfaite. Ouais, ben c'est pas grave, ça. Non, je sais. C'est ça qui donne la couleur à l'émission. C'est mon égo de mise en onde. Et on remercie M. Daniel Marcoux qui est passé pour nous parler de son jeu, de son projet Heroes Card. Allez voir ça sur Facebook de Puissance Maximale. On a mis les liens. La même chose pour la gang de Nine Dots Studio. Les liens sont également là pour leur Kickstarter. Bon, donc, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site Internet, le www.puissancemaximale.com. Allez sur notre site pour écouter nos podcasts. L'émission que vous entendez présentement devrait être là dès ce soir. Et il va y avoir aussi d'autres choses qui s'en viennent. Plein d'entrevues qu'Andrew avait faites avec des studios indépendants. Qu'on va enfin finir par mettre en ligne. Oui, on attendait le nouveau site. Là. On va prendre le temps de le faire. Et on va mettre aussi la chronique de M. Pierre-Luc Pelletier, qu'on a eu la semaine passée, mais malheureusement, vu que le podcast n'a pas été enregistré, on va vous envoyer au moins sa chronique sur notre site. Allez sur Facebook, cherchez Puissance Maximale, vous allez nous trouver très facilement. Et appuyez sur le bouton « J'aime » parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, et propagez la bonne nouvelle geek en partageant la page de Puissance Maximale auprès de vos amis, parce que c'est cool, Puissance Maximale. Et puis, grâce à ça, ben, vous avez les informations sur l'émission beaucoup plus rapidement. Et le mot de la fin, comme à notre habitude, on va vous souhaiter une excellente semaine de jeu. Little harmonica. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broadsword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins. Till the day we one, two, three, four, die.